C'est incroyable de voir comment les choses ont changé depuis que j'ai quitté le bureau du docteur Steinman. Je ne reconnais presque plus Rapture. On dit qu'ils ont même rassemblé les gens sur la place Apollon. J'ai demandé à Ryan comment il pouvait faire de telles choses à des innocents. Il m'a répondu... Des innocents? Ils n'ont pas choisi de défendre Rapture, mais ont préféré s'acoquiner avec Atlas et ses bandits. Ce ne sont pas des innocents. Il y a les héros, et il y a les criminels. Ah, j'ai une sacrée nuit qui m'attend. Tout est prêt. Les fleurs, la bouteille de vin. J'ai même deux billets pour la closerie d'étayer. Je connais rien de mieux que la nuit d'Arcadie pour les mettre dans l'ambiance. Ah, je n'ai plus qu'à passer chez Eco-Soin prendre une trousse de soins par sécurité. Il paraît que ce n'est pas la première fois qu'Angelina visite la closerie d'étayer. Viens par ici. On dirait que des pauvres diables se mettent à voir des fantômes. Des fantômes. Ryan dit que c'est un effet secondaire des plasmides. Les souvenirs d'un crétin sont transmis à un autre par la manipulation génétique. Des fuites, des cinglés, une rébellion. Et maintenant, des fantômes. La vie n'est-elle pas formidable à Rapture? Dès que nous sommes arrivés ici, Masha s'est mise à crier. Maman, maman, C'est quoi ça? C'est quoi? Je croyais qu'elle avait une sorte de crise et j'ai soudain compris. Les arbres! Les arbres! Elle n'en avait jamais vu. Elle les prenait pour des monstres. Oh, Samy! Nous avons peut-être eu tort de venir ici. Depuis 10 ans que je vis dans ce trou, j'ai fini par accepter ma vie médiocre. Mais même au fond de cet aquarium géant, un homme doit garder une certaine dignité. Le minable de chez Worley, là, le négociant en vin, eh ben il met de l'eau dans sa piquette maintenant. De l'eau! Quand je l'ai confronté avec les faits, il m'a répondu « Vous inquiétez pas, Pierre, c'est de l'eau distillée. Ça pourrait être pire, j'aurais pu prendre l'eau de l'océan. » Ils se vêtissent de feuilles et se font appeler les Saturniens. Ils boivent du sang humain et chantent « Maîtrisez la flamme, maîtrisez la brume !» Ils croient qu'ils sont touchés par la grâce des anciens dieux. Ce n'est qu'une bande de vieux étudiants qui prennent les plasmides pour le nectar des dieux. It's all right. It's all right. This is a temporary problem. Plants die all the time. They just don't die all at once like this. But there's plenty of oxygen. I don't understand. No matter. I'll just deploy the Lazarus vector. I'm sorry, my plants. I'm sorry. I would never want to hurt you. What on earth did I do wrong? Aujourd'hui, l'Arcadie n'était ouverte qu'aux clients payants. Ce type m'engage pour planter une forêt au fond de l'océan et il fait d'une promenade dans les bois un produit de luxe. Ryan m'a dit, un fermier ne doit-il pas être libre de vendre sa nourriture? Un potier n'a-t-il pas le droit de vivre de ses poteries? J'ai essayé de discuter avec lui, mais je sais qui signe mes chèques. La seule chose qui soit pire qu'un hypocrite, c'est un hypocrite au chômage. J'ai beau être une scientifique, je ne dédaigne pas quelques rétributions plus concrètes. Ryan m'a dit que si je pouvais augmenter les profits d'Arcadie, une partie des bénéfices finirait dans ma poche. Alors j'ai réfléchi. Nous payons l'oxygène alors que nous avons des arbres et leur photosynthèse. Nous pouvons même vendre notre excédent au reste de la ville et casser les prix. Je sais que Ryan va apprécier. Les amis de Fontaine se sont jetés bec et ongles dans le commerce de l'oxygène. Qui a dit qu'un vieux cabot ne pouvait plus rien apprendre? Je dois être cinglé. J'ai passé 4 ans à trouver un moyen de défolier les arbres dans le Pacifique pour faire peur aux Japonais, et me voilà au fond de l'océan Atlantique en train d'essayer d'inverser le processus. La dent, c'est l'ambroisie plus la bombe atomique, plus Ève et le serpent. Allons voir ce que ça donne. Je massacre des arbres depuis 25 ans. D'abord à Berkeley dans les années 20, puis ceux des Japonais à Iwo Jima en 45, mais je n'en avais jamais ramené un de la mort. J'ai réussi. Maman va fabriquer son premier arbre. Je vais baptiser ma création Vecteur Lazare. Elle pourra peut-être remettre ma carrière sur les rails. À quoi bon être un génie si les seuls qui apprécient vos travaux sont une bande de crétins génétiquement modifiés? J'ai déchiffré le vecteur. En tout cas, au moins à 99%. Il ne me manque plus qu'un bouton de Rosa Gallica pour étayer mes analyses. De l'eau distillée, un peu de chlorophylle et des enzymes d'Apis mellifera. Oui, vous m'avez bien entendu, mes chéris, de la bave d'abeille. Ces païens cesseront-ils un jour de tout voler? Les serviettes en papier, les encriers, la mamélisse, la solution de chlorophylle, même mes vieux numéros de National Geographic. Ils doivent en tapisser leurs horribles petits sanctuaires, pauvres malades. Oui, je suis au courant pour le bouclage. C'est absurde. Une petite minute. Les premiers tests du vecteur Lazare sont très prometteurs. Si ces roses fleurissent, je sais que nous tiendrons le bon bout. Dépêchez-vous, le bouclage! Comment? Très bien, je m'en vais. Mais il faut que quelqu'un revienne pour examiner ces échantillons. C'est très important. Il y a eu des pressions considérables pour la régulation du marché des plasmides. Il y a eu des effets secondaires, cécité, démence, mort. Mais À quoi bon défendre notre idéologie si elle n'est pas mise à l'épreuve? Le marché n'est pas comme un enfant qui pleure au moindre signe de mécontentement. Le marché est patient. Nous devons l'être aussi. Je ne crois pas à un dieu, à une présence invisible dans le ciel. Il existe quelque chose de plus puissant que chacun de nous, l'union de tous nos efforts. Une grande chaîne industrielle qui nous unit. Mais ce n'est que lorsque nous luttons dans notre propre intérêt qu'elle tire la société dans la bonne direction. La chaîne est trop puissante et trop mystérieuse pour qu'un gouvernement puisse la contrôler. Tous ceux qui vous diront le contraire vous videront les poches ou poseront un pistolet sur votre tempe. Les enfants, avec leurs longues aiguilles, leurs chansons discordantes, leur horrible glanage, leurs horribles pères dignes de Frankenstein. Mais nous avons tous posé la main sur une grande chaîne d'entreprises, d'économie, de découverte et d'action. Ma main tient cette chaîne, celle de Fontaine aussi. Nous la tirons tous, et elle nous tire. Ces enfants sont une abomination, oui? Mais est-ce ma main seule qui les a créés? Non. Leurs petits doigts étaient à côté des miens sur la chaîne. Grégory, ne venez plus pleurnicher au sujet des forces du marché et ne vous attendez pas à ce que je punisse les habitants qui font preuve d'initiative. Si les agissements de Fontaine vous déplaisent, je vous conseille de trouver un moyen de proposer un meilleur produit. Je rappelle à tous les habitants que les réunions de plus de 4 personnes nécessitent désormais un permis. Ces permis sont disponibles de 9h à 10h tous les mardis au comptoir des permis de l'administration centrale. Docteur Souchong, franchement, votre proposition me choque. Si nous modifions la structure de notre ligne commerciale de plasmides, comme vous le proposez, pour que leurs utilisateurs soient vulnérables à la suggestion mentale par le biais des phéromones, nous pourrions alors contrôler les actes des citoyens de Rapture. Le libre arbitre est le fondement de cette ville. Je ne peux supporter l'idée de le sacrifier. Et cependant, il est vrai que nous sommes en temps de guerre. Et si Atlas et ses bandits prenaient le dessus, ne feraient-ils pas de nous leurs esclaves? Qu'adviendrait-il alors de notre libre arbitre? La fin justifie parfois les moyens. Ma chère Julie, j'essaie de faire des affaires ici. Si vous voulez passer du temps avec mes abeilles, je vais devoir vous faire payer ce plaisir. Si je vous trouve encore une fois en train de traîner près de mes ruches, je vais chercher mon fusil. Pour ce qui est de votre question, oui, j'ai oublié mes cours de l'école d'apiculture, mais je crois me souvenir de quelque chose au sujet de cette enzyme dont vous parlez sans arrêt. La dent agit comme un cancer bénin. Il détruit les cellules natives pour les remplacer par des cellules souches instables. C'est cette instabilité qui lui donne ses propriétés étonnantes, mais qui entraîne aussi des dommages cérébraux et cosmétiques. Il faut de plus en plus d'Adam pour tenir le coup. D'un point de vue médical, c'est une catastrophe. Mais d'un point de vue commercial, Fontaine a tout compris. La procédure d'augmentation est un succès. Les limaces n'ont pas fourni assez d'Adam pour une utilisation à grande échelle. Mais en les combinant avec l'hôte, nous avons obtenu un résultat. La limace est incrustée dans la paroi de l'estomac et se nourrit des aliments ingérés par l'hôte. Nous pouvons ainsi obtenir 20 à 30 fois plus d'Adam utilisables. Le problème, c'est que nous manquons d'hôtes. Fontaine me dit « Patience, Tenenbaum, bientôt ». Le premier refuge pour petite sœur sera ouvert et le problème sera résolu. Comment en arrive-t-on là où j'en suis arrivée? J'examine des gènes à longueur de journée et je ne vois jamais l'empreinte du péché. Je pourrais blâmer les Allemands, mais je n'ai trouvé aucun bourreau dans les camps, rien que des esprits comme le mien. Mais brutalité envers ses enfants ont éveillé quelque chose en moi que la plupart des gens trouvent merveilleux et naturel, mais qui pour moi est une abomination. Mon instinct maternel. Une fillette est venue s'asseoir sur mes genoux. Je l'ai repoussée en criant « Ne t'approche pas !» Je peux voir la dent épais et vert dégouliner du coin de sa bouche. Elle a les cheveux crasseux et ce regard lointain. Je ressens cette haine en moi, bien plus forte que tout ce que j'ai connu. Elle bat dans ma poitrine brûlante de fureur. J'ai du mal à respirer. Je comprends soudain que ce n'est pas cet enfant que je hais ainsi. Les enfants doivent rester fonctionnels pour produire efficacement la dent. J'espérais les plonger dans un état végétatif pour qu'ils soient plus malléables. Le fait d'être en leur présence me gêne considérablement. Même avec ces implants dans leur estomac, ce sont toujours des enfants. Ils jouent et ils chantent. Parfois, ils me regardent et ne s'arrêtent pas. Parfois, ils sourient. All citizens are reminded that public gatherings of more than four people now require a permit. Gathering permits can be obtained from 9 to 10 a.m. at the permitting counter in Central Administration. Le bureau de Langford doit grouiller de monstres génétiques. Ce sera l'enfer pour y retourner maintenant. Pour l'amour du ciel, combien de temps faut-il pour préparer ce maudit vecteur? Bien joué. Respirez profondément et appréciez. Ensuite, dirigez-vous vers les collines roulantes et prenez la bathysphère. Votre prochain arrêt sera la maison de Ryan. Il est temps de faire couler le sang. Cette maudite ville est conçue pour que personne ne puisse en sortir, dans le cas d'une urgence comme celle-ci. Soit nous récupérons les arbres, soit vous serez un résident permanent. Avez-vous trouvé tous les composants du vecteur Lazare? Si c'est le cas, je vous conseille de trouver rapidement un poste au manufact. Ensuite, regagnez le laboratoire de Langford et mettez la potion dans le brumisateur. Ça devrait dissiper ce brouillard en un clin d'œil. Accélérez un peu le mouvement, je vous prie. L'air commence à manquer par ici. Ça se présente mal. Il va falloir que vous m'écoutiez très attentivement. Je ne suis pas botaniste, mais je crois que Ryan vient de tuer l'Arcadie. Il diffuse une substance nocive dans l'air. Nous sommes au fond de l'océan. Tout notre oxygène vient des arbres. Sans arbres, pas d'oxygène. Laissez-moi réfléchir un instant. Moira, Patrick, c'est encore un coup de Ryan. Il attend que nous soyons presque sortis pour nous tendre un piège. On va le trouver, le salopard. On va le trouver, on va lui arracher le cœur. Mon Dieu, ils arrivent. La représentante de Ryan à Arcadie est une certaine Langford. Elle est honnête, mais pas à l'abri de quelques magouilles pour arrondir ses fins de mois. Si elle est toujours là, elle voudra sauver ses arbres. Après tout, c'est elle qui a planté cette forêt. Chaque fois que nous gagnons quelques centimètres, Ryan, de son côté, avance à pas de géant. Que s'est-il passé? Le vecteur est-il prêt? Qu'est-ce que vous attendez? Actionnez l'interrupteur! Les collines roulantes sont là-bas, tout comme la gare des bathysphères. Ensuite, tout droit jusqu'à Ryan. L'Arcadie est vaste, mais principalement rurale. Si vous cherchez quelque chose en particulier, commencez par le marché champêtre. Allez à la bathysphère des collines roulantes. Elle vous mènera tout droit au démon. Et alors, il sera temps pour lui de payer. D'après ce poste, Manufact, je pense que vous êtes maintenant l'heureux propriétaire d'un vecteur Lazare flambant neuf. Placez ce vecteur dans une machine appelée le contrôle central de brumisation et tout marchera comme sur des roulettes. Vous risquez d'entendre ou de lire mon nom à droite à gauche. Je vais être franc avec vous. Vous savez, on dit, je m'en fiche complètement. Avant c'était différent, je faisais de la politique, mais la politique ce n'est jamais que l'art d'assassiner ses semblables avec des mots et au grand jour. C'est fini tout ça. Tout ce que je veux, c'est revoir la lumière du soleil. Allez chercher ce spécimen, je vous prie. Et vous feriez mieux de vous dépêcher, à moins que vous ayez des talents de botaniste. L'interrupteur! Actionnez l'interrupteur! Qu'est-ce que vous attendez? Des sbires de Ryan sont en route. Verrouillez l'entrée du laboratoire. Vous avez fait la moitié du chemin. Gardez le rythme. Les sbires de Ryan ne sont pas très complaisants. Pourquoi porte-t-il ces masques? Une partie d'eux-mêmes se souvient peut-être de ce qu'ils étaient, de leur ancienne apparence, et ils ont honte. Je vous ai envoyé un petit colis par le pneumatique. Ce n'est pas grand-chose, mais le moindre détail compte. Vous avez verrouillé la porte ? Parfait. Nous allons gagner un peu de temps. Ryan vous a vu venir. Il va vous envoyer de la compagnie. Mieux vaut regagner l'entrée du laboratoire et la verrouiller. C'est peut-être le seul moyen d'empêcher les chromosomes d'entrer. Ah, écoutez ce maudit engin gargouillé et clipé. Combien de temps va-t-il falloir ? Comment se fait-il que vous résistiez aussi bien aux méthodes canoniques de séparation de l'âme et du corps ? Vous n'êtes pas de la CIA, je me trompe ? Vous appartenez à Atlas, le seul cafard qui semble résister à l'extermination. Ne vous inquiétez pas. Le temps que je trouve le bon poison, ce sera fait. Il y a longtemps, j'ai acheté une forêt à la surface. Les parasites ont déclaré que c'était le pays de Dieu et que je devais ouvrir un jardin public. Pourquoi ? Pour que la vile multitude puisse souiller de son admiration stupide la canopée et se figurer l'espace d'un instant être en paradis ? Quand le Congrès a nationalisé ma forêt, je l'ai réduite en cendres. Ce n'est pas Dieu qui a planté les graines d'Arcadie. C'est moi. Je suis venu ici bâtir l'impossible. Vous êtes venu voler ce que vous êtes incapable de construire, tel un barbare en admiration devant les portes de Rome. Même l'air que vous respirez est débité de mon compte. Alors, respirez profondément pour vous souvenir plus tard de son goût. Julie, nous avions conclu un marché tous les deux, n'est-ce pas ? L'argent a changé de main. Permettez-moi de vous lire ce qui est stipulé dans notre accord. Monsieur Ryan. Ryan Industries se réserve les droits exclusifs de création, d'utilisation et d'exploitation du vecteur Lazar. La propriété, c'est la civilisation. Attendez. Sans elle, non. Nous Mais retournerions Dieu. Dans la fange. Il semblerait que la mort de Julie n'ait pas été une leçon assez claire pour vous. Ceci suffira peut-être. Inutile de lutter contre l'inévitable. Bientôt, vous n'aurez plus d'oxygène et vous vous endormirez. Allez ! Allez quoi ? Tuez le parasite ! Let's do it ! Let's do it ! Réglez-lui son compte une bonne fois pour toutes. C'est lui le poison. Tuez-le ! Le poison ! Tuez le poison ! Vous avez apporté le poison ! Vous devez mourir ! Tuez-le ! Il a empoisonné les arbres ! Voilà ces maudits fanatiques ! Merde ! Les Saturniens, on est tous morts ! Cette terre est sacrée ! Vous sentez le sang des Saturniens. Pourquoi ça traîne comme ça ? Vous êtes le poison ! C'est lui ! Celui qui a apporté le poison ! Écrasez le parasite ! Neutralisez le poison ! Vous profanez ce lieu. Vous allez mourir ici et maintenant, parasite ! Le poison ! Tuez le poison ! Maintenant ! C'était notre foyer ! Ce lieu nous appartient. Il est à nous, les Saturniens, sauf qui peut ! Vous êtes sales, vous êtes immondes ! Vous ne savez pas à qui vous vous frottez, l'ami. Toxique, malsain, sale ! Vous cherchez querelle aux Saturniens ? Niveau d'oxygène rétabli. Toutes les portes cloisons sont maintenant accessibles. Niveau d'oxygène rétabli. Toutes les portes cloisons sont maintenant accessibles. Niveau d'oxygène critique. Verrouillage en cours. Fermeture de toutes les portes cloisons. Qu'est-ce que tu attends, gros nigaud ? C'est magnifique ! Oh, chérie, je me suis fait des injections dont tu n'aurais même pas rêvé. Qu'est-ce que tu attends, gros nigaud ? C'est magnifique ! Oh, chérie, je me suis fait des injections dont tu n'aurais même pas rêvé. Viens par ici. Viens par ici. Bon sang! Il y a quelqu'un! Les chromosomes! Il y en a partout! Vous pouvez m'aider! Vous pouvez m'aider! Attendez! Par ici! Salut, beau gosse! Là-bas! Jésus! Dieu! Aidez-nous! C'est lui! Celui qui a apporté le poison! C'est lui, le poison! Tuez-le! Maintenant! Vous avez empoisonné notre terre! Attention! Prêt? Les Saturniens! Sauf qu'ils peuvent! Voilà ces maudits fanatiques! Ils arrivent! Vous allez tout faire échouer! Tout! Les Saturniens n'aiment pas les étrangers! Vous êtes le poison! Les arbres! Ce n'est pas vous, n'est-ce pas? Non. Ryan! Je crois connaître un moyen de sauver les arbres! Un vecteur génétique qui... Oh, mais puisqu'on en parle, pourriez-vous me trouver un spécimen de Rosa Gallica? Cherchez dans la grotte! Je dois poursuivre mes travaux pendant que j'en ai encore le temps. Oui, c'est parfait, parfait. Venez à mon bureau, je vous laisse entrer. Je crois que j'ai trouvé ce qu'il fallait pour que cette forêt retrouve sa verdeur. J'ai piraté le système de sécurité. Ces tourelles sont inoffensives. Venez dans mon bureau. Monsieur Ryan! Attendez! Non! Pitié! Monsieur Ryan! Vous avez la chlorophylle! Que voulez-vous de plus? Laissez-moi tranquille! Sinon, vous aurez tous mes tourelles sur le dos! Vous avez la Rosa Gallica? Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Une invitation sur papier glacé? Envoyez-la par le pneumatique! Julie, nous avions conclu un marché tous les deux, n'est-ce pas? L'argent a changé de main. Permettez-moi de vous lire ce qui est stipulé dans notre accord. Monsieur Ryan... Ryan Industries se réserve les droits exclusifs de création, d'utilisation et d'exploitation du vecteur Lazare. La propriété Monsieur Ryan... de sa civilisation. Attendez! Sans elle, non, nous pitié. Retournerions dans la fange. Oh, Monsieur Ryan! Oh, sugar, I'm spliced up in ways you never dreamed of. Get over here.